Bonjour à tout le monde, bienvenue comme d'habitude. Je me présente, je m'appelle Hubert. Je suis membre du comité Riposte Travailleurs Chômeurs Engagés. Est-ce que tout le monde connaît ce petit groupe là, ou il faut une petite information sur ce petit groupe? Parce que je vois qu'il y a de nouveaux. Ce petit groupe s'est créé il y a environ 5-6 mois, suite aux mesures d'austérité du gouvernement contre les chômeurs. Et il a plusieurs sous-groupes, dont un qui va bientôt faire une action le 13 septembre devant l'ONEM. Vous êtes le bienvenu, c'est à 10h30. Rendez-vous à l'ONEM. D'autre part, ils sont aussi en train de faire un groupe qui est en train de faire une petite capsule sur chômeur win-win, c'est ça? Alors, moi je suis partie de ce groupe qui fait un peu de la recherche, c'est un grand mot. Sur les membres des gens qui ont demandé plus d'infos sur la sécurité sociale, comment ça fonctionne, etc. Alors, il y a déjà eu deux séances. La première, c'était faite par Francine Boll, qui était là tout à l'heure, qui est une historienne et qui a en gros décrit un peu l'histoire du mouvement Henri en Belgique. Maintenant, je peux peut-être la reprendre en quelques phrases pour ceux qui n'étaient pas là le 1er mai. Puis, il y a eu une deuxième séance qui concernait le contexte historique dans lequel le pacte social de 1944, qui est la base de notre sécurité sociale actuelle, a eu lieu au 30 juin, je crois. Maintenant, je ne sais pas, tout le monde n'était pas là non plus, donc je ferai aussi un petit bref résumé. Alors, sur l'histoire du mouvement ouvrier, en gros, ça a commencé dans les années 1850, donc il y a des petits groupes d'ouvriers qui sont créés malgré l'interdiction, et c'était en général très corporatiste et très très limité à une profession. Alors, en 1886, il y a eu une surproduction et une énorme crise en Belgique avec une femme, avec une grande misère de la faim. Et il y a eu une émeute qui a d'ailleurs commencé à Liège et passe Delcourt, pour la petite histoire, et qui a débouché sur une insurrection de plusieurs semaines. Après ça, il y a un mouvement syndical interprofessionnel qui s'est créé de façon assez massive. Donc, avant, c'était vraiment des petites associations clandestines. Ce qui était un grand progrès dans le mouvement ouvrier. Puis après la Première Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelait la grève des chômeurs. Ça peut paraître bizarre, mais bon. C'est-à-dire que les patrons exigeaient que les ouvriers reprennent le boulot au salaire d'avant la guerre, alors qu'entre-temps, il y avait une hausse, une inflation invraisemblable, je ne sais pas combien de pourcents. Et donc les ouvriers refusaient d'aller travailler à ce salaire-là. Et donc ils faisaient grève, mais en même temps, ils étaient aussi chômeurs aussi. Et à ce moment-là, il y a la première intervention de l'État, au niveau des communes, c'est-à-dire Liège et Gand, où l'allocation de chômage était en partie prise en main par l'administration communale. Tandis qu'auparavant, donc, les ouvriers faisaient des collectes entre eux, cotisaient entre eux, et en cas de grève ou en cas de chômage, en cas de maladie, ça sortait de leur propre caisse. Mais en 1918, ces caisses étaient très très vite vides, parce que c'était des petites associations. Donc, première intervention de l'État. Ensuite, il y a eu une deuxième crise de surproduction, il y a une nouvelle crise de surproduction en 1929 qui a fait que le patronat a exigé une baisse de salaire allant jusqu'à 25% pour les mineurs. Il y a eu un mouvement de grève des mineurs très très puissant mais qui a échoué. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu au lieu de 20% de salaire en moins, 10% de salaire en moins. Et alors il y a eu ce qu'on appelle le Front unique en 1936, où là c'était un mouvement très offensif. Au contraire de 32, où non seulement ils exigeaient des hausses de salaire, mais aussi le droit au loisir, c'est-à-dire les congés payés. Pour la première fois, les ouvriers obtiennent les congés payés. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et alors là, il y a les syndicats officiels CC et LGTB, enfin à l'époque ça s'appelait GTCB, ont été dissous, et des syndicats clandestins sont créés directement après l'occupation nazie, avec la grande grève de ce qu'on appelle la grève des 100 000 personnes. Donc c'est la grève en Charleroi, Liège, Borinage, contre le nazisme et pour un meilleur ravitaillement. Et là, c'est une grève qui s'est terminée avec succès. Et entre-temps, il y a aussi la résistance armée qui a commencé, donc principalement sous la direction du Parti communiste, qui s'est fort développée. Conclusion, la fin de la guerre, donc en 44, septembre 44, il y avait d'un côté 50 à 70 000 partisans armés. La gendarmerie avait été désarmée par les Allemands parce qu'ils avaient peur que les gendarmes allaient tirer dans le dos des Allemands. Donc, avec une force armée, en fait, c'était les partisans plus une autre force armée qui était l'armée américaine dans les Ardennes et au pôle Nord-Est. Donc, il y avait un rapport de force très favorable pour le mouvement ouvrier qui exigeait la nationalisation des grandes entreprises avec le contrôle ouvrier. En échange, ils ont eu la sécurité sociale, le pacte social de 40 ans. Bon, là, il y a plusieurs avis là-dessus. Il y a là ceux qui disent, bon, c'est un énorme progrès, c'est l'attitude des dirigeants syndicaux actuels et du Parti socialiste, c'est une victoire énorme. Pour les révolutionnaires, c'est plutôt une défaite. C'est un mauvais compromis vu le rapport de force existant. Mais en même temps, c'est quand même un progrès parce que ça a unifié les travailleurs. Donc, on cotisait et on payait à celui qui est au chômage, pensionné ou malade. C'était une cotisation horizontale. Alors qu'avant, la cotisation, c'était une sorte d'assurance épargne. Donc, chacun faisait une épargne pour, en tout cas, il tombait malade. Donc, un aspect positif, c'est que c'était horizontal, c'était pour tout le monde. Et alors, il y a la création de ce qu'on appelle le salaire social. Ce qu'en général, les patrons ou les syndicats appellent la cotisation ouvrière et la cotisation patronale. En fait, c'est un salaire social. Si la bourgeoisie n'avait pas donné ce salaire social-là, ils auraient été obligés d'augmenter les salaires dits de poche, donc ce que tu reçois en poche, de au moins 60-70-80%, parce que après la fin de l'occupation nazie, il y a eu des grèves partout en Belgique pour exiger des hausses de salaire, meilleur ravitaillement, de meilleures conditions de travail, délégations syndicales reconnues, etc. Alors, je résume très brièvement. Bon, si je dis des couillonnades, vous intervenez, Oui. si vous voulez des questions. Juste la crise de surproduction, vous savez ce que c'est? En deux mots. Tu peux dire On a produit trop pour ce qu'on est capable d'écouler. Oui, ou on peut dire ça à l'inverse, on peut dire qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat pour pouvoir vendre tout ce qui a été produit. Donc, il y a un gain de productivité, les usines produisent davantage, mais il n'y a personne pour acheter les nouveaux produits. C'est ce qui s'est passé dans les années 30 et c'est ce qui s'est passé dans les années 10 aussi. Donc c'est cyclique, ça revient à ce qu'on appelle une crise de surproduction. Oui, c'est une des absurdités du capitalisme. Donc, plus il y a de la production, plus il y a de misère. Comme ça, on reviendra plus tard. Où en étais-je? J'ai perdu le fil. Oui. Voilà. Donc, la cotisation, ce qu'on appelle la cotisation patronale et la cotisation des salariés, c'est en fait un salaire social pour l'ensemble des ouvriers. Et ça, mon avis, c'est un avis assez personnel, enfin partagé par d'autres, c'est que ce salaire social est potentiellement révolutionnaire, je crois, il faut le développer, donc il faut coûte que coûte, à mon avis, le défendre. Parce qu'il y a des courants qui disent, bon alors, la cotisation sociale, il ne faut plus le défendre, c'est fini, il faut créer autre chose, etc. Moi, je crois que le salaire social, c'est quelque chose qu'il faut absolument défendre et développer, c'est-à-dire élargir à la question du logement, de l'environnement, des conditions de travail. Voilà en gros. Alors pour montrer que le rapport de force était en faveur du mouvement ouvrier en 1944, c'est qu'en 1950, lors de la soi-disant question royale, qui n'était qu'un aspect, en fait c'était surtout une crise sociale, les ouvriers, il y a eu une insurrection, et certaines communes, quartiers ouvriers, étaient dans le pouvoir des grévistes. C'est-à-dire c'est eux, les grévistes qui décidaient non seulement le ravitaillement, qui s'occupaient du ravitaillement, la distribution du ravitaillement, mais qui s'occupaient aussi du service d'ordre. Parce que dans certaines communes ou quartiers, la police soutenait les grévistes. Et puis en 60, qui était la première attaque contre la sécurité sociale, c'est-à-dire contre le chômage, contre les pensions, entre autres, les ouvriers ont refait une insurrection, et là, à nouveau, ils ont occupé des communes comme Serein ou Cré, Châtelet à Charleroi et dans le Borinage. Pendant près d'un mois, donc, ils occupaient le ravitaillement, la distribution, le service d'ordre, etc. Voilà, je crois que je vais terminer là-dessus. Alors, depuis 60, 60 s'est terminé par une relative défaite. La loi unique, ce qu'on appelait la loi unique, est passée. Mais en 62-63, il y a eu toute une série de conventions collectives avec des fortes hausses de salaire, mais en échange des accords de paix sociale. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu ne peux plus faire grève quand tu veux, Tu es obligé de suivre toute une procédure qui dure plusieurs semaines avec des négociations avant de pouvoir déclencher une grève. Et dans les années début septembre, il y a eu une réaction, ça. Il y a eu des dizaines de grèves sauvages que le syndicat ne pouvait pas reconnaître parce qu'il avait signé cette convention-là. Il y a eu une renaissance un peu du mouvement ouvrier combatif, mais depuis lors, il faut bien avouer que ça a fortement diminué. Et l'attaque que maintenant on subit du gouvernement sur l'austérité, c'est 10 fois plus grave que celle des années fin 60, quoi. Or, il y a quand même relativement peu de réactions jusqu'à présent. Voilà, moi j'ai terminé. Maintenant, Dominique va un peu mieux expliquer le contenu, un peu plus en détail du pacte social. Oui. Voilà. J'ai préparé quelques secondes. Mais on ne va pas parler beaucoup aujourd'hui, ni de l'allocation maladie, ni de la pension, sujet qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Hubert vous a déjà parlé des années 60. Donc moi je vais vous parler des années 2000. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez le CRI qui avait été lancé par la Fédération des entreprises de Belgique. C'est son CRI habituel en fait. Jean-Paul doit se rappeler ça. Ils disent plus ou moins tout le temps « laissez-nous entreprendre ». C'est ça. Et pour moi le pacte social, si on le résume, c'est ça, quoi. C'est un cri lancé par les patrons. Laissez-nous entreprendre et laissez-nous développer des entreprises qui marchent bien et on vous garantit un pays prospère. C'est un peu... C'est l'origine du pacte social, donc qui est établi, Hubert, essentiellement par des patrons et par des syndicalistes qui ne sont pas toujours liés au mouvement ouvrier de base. Certains sont à l'étranger au moment où ils préparent le pacte social. Et donc, le mot d'ordre, c'est si les entreprises marchent bien, le pays sera prospère. Ça implique deux choses. Ça implique des engagements de la part des patrons vis-à-vis des travailleurs et des engagements de la part des travailleurs vis-à-vis des patrons. Les travailleurs s'engagent à respecter l'autorité légitime des patrons et à exécuter consciencieusement leur travail, parce que c'est une question d'honneur. Les patrons, de leur côté, s'engagent à respecter la dignité des travailleurs, à traiter les travailleurs avec justice, et à ne pas entraver directement ou indirectement le développement de leurs organisations. Ce sont les engagements qui sont pris de part et d'autre dans le pacte social. Un petit préalable que j'ai oublié de vous donner peut-être, et qui rejoint ce que Hubert a expliqué, le pacte social ne concerne que le secteur privé. Ça veut dire qu'il n'est pas question ici des fonctionnaires, il n'est pas question non plus des indépendants, ça concerne uniquement les travailleurs salariés du secteur privé, et il est établi, comme Hubert vous l'expliquait, à la fois pour empêcher un contrôle de l'État sur toute l'activité économique, à la fois pour empêcher un contrôle ouvrier sur toute l'activité économique, et à mon sens aussi contre une autre tendance qui serait l'absence absolue de pouvoir et de contrôle de l'économie. Donc il y a ces quatre options-là, et les patrons et les travailleurs qui s'accordent avec eux dans le pacte social disent « Laissez-nous développer, en fait, quoi ? Le secteur privé. » Pour revenir à la notion de salaire socialisé, j'ai envie, par rapport à ce qu'Hubert vous a expliqué, de synthétiser les choses autrement et de dire que le pacte social a développé deux institutions qui sont une en phase avec le capitalisme et l'autre beaucoup moins en phase avec le capitalisme, à savoir l'emploi et le salaire. Donc, je vous expliquais qu'il y a une reconnaissance de l'autorité patronale par les travailleurs qui s'engagent à servir le patron pendant le temps de travail, donc le temps de leur vie qu'ils mettent à la disposition de l'employeur. Et cette institution-là, c'est l'emploi. Et alors, à côté de cela, il y a un engagement du patron vis-à-vis du travailleur. Et la reconnaissance, c'est quoi ? C'est la reconnaissance des besoins sociaux des travailleurs et l'engagement à financer ses besoins sociaux par du salaire. Ça, c'est le salaire. Qui, comme Hubert vous l'expliquait, a différentes dimensions, différentes composantes. Le salaire poche, c'est l'argent que le patron donne directement aux travailleurs, et alors, ce qu'on appelle le salaire socialisé, ce qu'on appelle la cotisation sociale, et ce que les patrons appellent les charges sociales, qui, au sens du pacte social, est un salaire également. Alors la manière dont ça se décompose, mais peut-être pour renouer avec les feuilles et terminer l'esprit du pacte social, donc la proposition que le secteur privé fait à l'État, laissez-nous entreprendre, ça va amener l'essor économique. Pour pouvoir avoir l'essor économique, il nous faut une paix sociale, et cette paix sociale, on va l'obtenir en répartissant équitablement le revenu de l'essor économique. Donc, les patrons et les travailleurs qui signent le pacte social proposent de mettre en place un cercle vertueux qui va assurer à la fois le développement économique du pays et la justice sociale et donc la paix sociale. C'est ce que la première phrase vous explique. C'est un texte qui est signé en 1944. C'est l'époque de la conférence de Philadelphie, qui est un truc qui est signé au niveau international et qui, je pense, se fait dans le cadre du New Deal américain. Et l'esprit de cette conférence de Philadelphie, c'est la protection sociale est un investissement. C'est-à-dire que la manière dont on conçoit l'économie et la protection sociale par rapport à l'économie, c'est qu'on va investir dans la protection sociale et que c'est ça qui va créer le cercle vertueux qu'on trouve dans le pacte social. Et donc, la protection sociale n'est pas un coût pour l'entreprise, elle est un investissement qu'elle fait dans les travailleurs qui lui sont utiles pour développer, pour se développer. Autre précision que je vous donne en page 2, l'engagement qui est pris, ça s'appelle le pacte social. Donc ce n'est pas un engagement qui est pris vis-à-vis uniquement des travailleurs ou des patrons. C'est un engagement qui concerne l'ensemble de la population. Le pacte social dit « Le but de l'activité économique est d'améliorer sans cesse les conditions d'existence de la population. » Et donc pas, il ne dit pas les conditions d'existence des travailleurs. Donc, évidemment, ça veut dire qu'on doit donner des salaires qui permettent d'assurer la survie non pas seulement des travailleurs actifs, mais de l'ensemble des travailleurs. D'où l'idée de donner aussi de l'argent en allocation familiale, en pension pour les travailleurs qui ne sont plus en activité, et en allocation de chômage pour les travailleurs auxquels on n'arrive pas à donner un emploi normal. Il y a tout un passage du pacte social, et pour me reposer un peu la voix, je vais demander à Patrick de vous l'expliquer. On a déjà un peu abordé le sujet en parlant des prix, en parlant des salaires. Le pacte social s'intéresse aussi à la monnaie. La monnaie. Et donc, quelque part, à l'inflation. Oui, et au risque d'inflation. Donc, mais c'est justement par rapport aux crises de surproduction, justement ce genre de problème, le pacte social s'engageait à garantir la valeur des salaires, c'est-à-dire soit à l'augmenter en chiffre absolu, s'il y avait inflation, soit à éviter l'inflation. Donc il y avait une espèce de... Mais ça fait partie de cet équilibre, quoi. Par rapport à la monnaie, c'était plus... La philosophie, c'était plus, bah, tiens, en pouvoir d'achat, vous allez garder ce que vous avez. Ça ne va pas diminuer avec l'inflation, vous n'avez pas ce qui aurait provoqué une autre crise économique, puisque la machine économique a besoin aussi de demandes. Donc voilà, par rapport au pacte social, il organisait aussi la stabilité du pouvoir d'achat des salaires. Et quand je dis salaire, je dis aussi bien les salaires poche que vous dites que les salaires sociaux. C'est l'indexation, oui. Parce que c'est l'indexation. Mais si ce n'est que l'indexation, il faut savoir. Oui, mais c'est tout à fait, c'est de là que vient l'indexation, c'est ça l'esprit, et des préhyperinflations aussi. On les critique et c'est des préhyperinflations à la fois, et en même temps, on a une indexation des salaires. Par contre, cette indexation, elle a changé récemment, mais là, c'est des détails. On est passé à l'index santé, c'est-à-dire qu'on a retiré le tabac, on a retiré l'alcool, on a retiré le pétrole. Et donc, cet index, ça a été un peu malmené récemment. Mais disons qu'on a toujours des salaires indexés, si ce n'est qu'on a un petit peu changé l'index, on a retiré ce qui avait plus augmenté, parce qu'il augmentait plus. Et ce contrôle par l'index, c'est au mode d'état. C'est donc, maintenant, le contrôle n'a pas le contrôle. Oui, c'est l'État qui gère ça. Mais donc, le pacte social prévoyait aussi de mettre en place des mécanismes qui évitent de voir les prix déraper, parce que si les prix augmentent, les salaires ne remplissent plus la fonction que le pacte social veut leur attribuer, soit pour les travailleurs, soit actifs, soit pour les travailleurs en non-activité. La page 3 du document que je vous ai distribué traite du chômage involontaire par manque de travail. En préalable peut-être, donc, on a expliqué que le pacte social concernait le secteur privé, c'est-à-dire uniquement le régime des travailleurs salariés, et donc pas le régime des indépendants. Et ce qui fait la spécificité du régime salarié par rapport au régime indépendant, c'est en régime salarié, il y a une cotisation qui couvre aussi les risques de chômage. Ce qui, à ma connaissance, n'existe pas pour le régime des indépendants. Et donc, il y a une spécificité là. Enfin, maintenant, qu'est-ce qui est prévu en termes d'assurance obligatoire contre le chômage? C'est d'abord de faire en sorte que ce soit clairement distinct de l'assistance publique. Alors, les notions d'assistance d'une part, d'assurance de l'autre, qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est que... Pardon, je me suis rassurée. Vas-y, je vais finir. La différence qu'il y a, c'est que par exemple la question du chômage, c'est un droit qui sont statués des trucs comme ça, et qui repose sur, je ne sais pas, la quantité de choses, tandis que le CPS, c'est le dernier recours. Quoi. C'est un peu la différence que l'un et l'autre. Je suis pas tout fait, je suis là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Le chômage est un droit qui est. Qui fait pas partie. Je crois que le CPS est un droit aussi. Oui, mais c'est un droit. On a droit au CPS à quel moment? Quand on a pas droit. Est-ce qu'il faut avoir travaillé pour avoir accès au CPS? En cas de difficulté, et surtout en cas de revenus insuffisants. Si les revenus dont on dispose sont insuffisants, on aura la possibilité, on aura le droit, parce qu'il est organisé comme ça, de s'adresser au CPS pour. Pour pouvoir survivre. Le CPS ne donnera jamais davantage que ce dont on a besoin. Ou alors, il n'est pas, il remplit pas ses missions. Contrairement à cela, l'assurance chômage n'est pas liée à une condition de revenu, mais une condition de statut. Et la grande différence, elle est là. C'est que le chômage, il est donné à quelqu'un qui a décidé de chercher du travail dans le régime des travailleurs salariés. Donc c'est un statut qui est lié au salaire et qui est lié au fait qu'on n'a pas décidé de s'installer comme indépendant, mais de chercher de l'emploi dans le régime salarié. Et ça, c'est une grande différence et ça concerne directement ce qui est menacé maintenant. Hein. Quand on rapproche les minima de chômage du CPAS, c'est, à mon sens, parce qu'on a envie de confondre les deux régimes et de faire de nous tous les héros du 21e siècle. Qui sont les héros du 21e siècle? Non, les héros du 21e siècle, ce sont les travailleurs indépendants. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Sabine Ruel. Ah, parce qu'il y a des choses. D'ailleurs, il faut quand même rappeler, il faut quand même rappeler que le pacte social, il était mis que le patronat s'engageait à offrir le plein emploi. C'est la suite du propos. Il n'est pas question. Le pacte social prévoit des obligations, bien évidemment, pour les travailleurs qui sont en chômage involontaire par manque de travail. Ils ont pour obligation, donc, il y a tout le détail de qui a accès, qui bénéficie de cette allocation, donc d'une poursuite finalement de son salaire quand il est privé d'emploi. Les travailleurs sans emploi, soit qu'ils sont membres, je vous donne le détail ici, soit il faut avoir été membre d'une caisse de chômage. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Avoir été membre avant... De façon continue d'une caisse de chômage, ça veut dire avoir avant été... Entre le 1er janvier 1938 et le 10 mai 1940, il faut avoir été membre de façon continue d'une caisse de chômage ou avoir cotisé comme salarié au moins 3 ans. Donc du 1er, et là il précise, du 1er janvier 35 au 10 mai 40. Donc si entre 35 et 40, tu avais cotisé 3 ans, tu étais reconnu comme chômeur involontaire par manque de travail. Et alors, en cas de doute, il y a une commission de réclamation à laquelle tu pouvais t'adresser et qui te reconnaissait comme travailleur sans emploi assurable sur base des études professionnelles ou d'une activité antérieure que tu aurais pu démontrer. C'est clair? Sur base des études professionnelles, il y avait déjà quelque chose qui était prévu. En 44. Alors, les montants, je vous passe les détails. Il y a un service public de placement qui était imaginé, qui était conçu. Mais alors, la notion de placement, ça concerne du vinyle et du balatum autant que des chômeurs, mais on reconnaît dans la notion de placement que la responsabilité de trouver un emploi, elle incombe aux placeurs, aux partenaires sociaux, à l'État éventuellement, mais c'est pas le vinyle, c'est pas le balatum qui se place lui-même habituellement. C'est mentionné explicitement ce que tu dis ou c'est pas... Service public de placement sous contrôle paritaire. Donc il y avait un service public de placement, donc pour moi c'est... Et ça s'appelait l'ONEM déjà à l'époque? Ça s'appelait pas l'ONEM. L'ONEM est plus récent. Je ne sais pas quel nom il portait. Patrick, tu es... Moi, je ne sais plus du nom. Il ne s'est pas mis en place tout de suite. Le pacte social, c'était un engagement qui, après, a été réalisé plus ou moins dans des lois et dans des arrêtés d'application. C'est vrai qu'à une époque, l'ONEM, c'était lui qui plaçait... Tout à fait. Les travailleurs pouvaient trouver par eux-mêmes aussi, les chômeurs pouvaient trouver par eux-mêmes, mais c'était l'ONEM qui convoquait les chômeurs pour leur proposer un boulot. Tout à fait. L'obligation des travailleurs, d'une part, refuser l'emploi s'il lui convenait. Mais on devait lui proposer un emploi et il ne pouvait pas le refuser s'il était compétent et si c'est un emploi qui était. Ce n'est plus de la banque du travail, ça n'a rien à voir, parce que c'était comme ça avant la guerre. C'était banque, non pas la banque du travail. Les bourses du travail. Les bourses du travail. C'est pas ça qui... Mais c'est le travail. C'est probablement quelque chose comme ça, mais au niveau national. Bas sur les bourses du travail, alors, il faut toute une période avant que ce système de cotisation soit mis en place, ce qui deviendra plus tard l'ONEM, je ne sais plus du nom de l'époque, je ne sais plus. Mais, on pourra attaquer le forum parce qu'il ne propose pas d'emploi aussi. Le forum, en fait, si à l'époque. Si tu vas jusqu'à l'absurde, je veux dire, quand tu vas intervenir un système de placement public, eux, de proposer de l'emploi, maintenant le forum, ça serait un peu et la formation et la proposition d'emploi. On leur propose très rarement, à ce moment-là, dans mon cas, aux gens qui sont au chômage, donc elle ne remplit pas son rôle, donc on pourrait l'attaquer, hein, finalement. Je suis lourd quand je dis ça. C'est-à-dire que le forum, maintenant, à quoi il sert? Non, mais je crois que c'est pas le forum qui crée l'emploi. Non, mais je veux dire qu'ils sont censés proposer de l'emploi. On a scindé les deux. au début, il y avait un organisme qui s'occupait à la fois du placement et de la formation. Et je crois que, je ne sais plus de quelle année ça date, mais on a scindé le forum d'un côté, l'ONEM de l'autre. C'est pas le forum qui avait pour... Maintenant, c'est pas le forum qui aurait pour obligation, à mon avis, de placer les gens. C'est plus l'ONEM. Non, c'est le forum qui... C'est toujours le forum. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces obligations... Avant, on demandait aux demandeurs d'emploi, quand ils recevaient une offre, oui, si elle le convenait, ils ne pouvaient pas refuser. Mm-hmm. Ils ne pouvaient pas refuser de se présenter. Et ça existe toujours. Oui. Mais maintenant, une offre d'emploi est distribuée à peut-être 20 demandeurs d'emploi. D'accord. Oui. Alors qu'avant, c'était peut-être 4 ou 5. Mm-hmm. Et l'employeur choisissait quand même celui qui lui convenait le mieux. D'accord. Parce que l'employeur n'était pas obligé d'engager le seul que le classeur lui envoyait. Mm-hmm. Oui. Il y avait souvent 4 ou 5 qui se présentaient. Maintenant, les offres d'emploi, ce n'est plus le placeur qui en a la responsabilité. L'offre est diffusée à tout va, mm-hmm, par Internet, sur les pages. Fabien, la notion de placeur existe encore ? Non. Ok. C'est fini. D'accord. Et donc, c'est remplacé par des gens qui sont derrière le demandeur d'emploi, qui a pour responsabilité de s'autoplacer quelque part. Il y a différents niveaux. Il y a les conseillers qui ont affaire aux entreprises. Mm-hmm. Les entreprises les appellent, ils postent une offre d'emploi, et ces conseillers-là envoient les propositions d'emploi, parfois, quand ils sentent que ce ne sera pas facile que des demandeurs d'emploi se présentent spontanément parce que l'offre est un peu compliquée, mm-hmm, le fil est exigeant, ou c'est loin. Hein. Donc, à ce moment-là, le conseiller en recrutement, qui est le nouveau nom de l'ancien placeur, fait une recherche parmi sa banque de données de demandeurs d'emploi et va sortir 10 ou 15 demandeurs d'emploi, en général c'est une dizaine, okay, qui correspondent au profil de l'offre, et on verra la proposition d'emploi aux chômeurs, mais sans les voir. Mmh. Eux ne voient pas les chômeurs. Okay. Donc ils envoient 10 offres, mais l'offre est aussi publiée en fait. Elle est aussi diffusée dans les boîtes, sur le site du forum, dans les valves. Je crois que sur RTC aussi. Mmh. Et donc, beaucoup de demandeurs d'emploi peuvent voir cette offre et répondre spontanément. Maintenant, quand une offre est diffusée, on ne saurait plus dire combien de personnes postulent sur l'offre. C'est impossible. Mmh. Ouais, il y a ceux qui doivent postuler de façon obligatoire parce qu'on leur a envoyé la proposition d'emploi. Parce que lorsqu'ils voient leur conseiller en vis-à-vis, le conseiller en accompagnement, on peut que le conseiller lui propose l'offre si l'offre est encore libre et qu'elle a l'air de lui convenir. Et là, certains conseillers sont plus directifs, d'autres sont plus au service d'eux. Hein. Il y a une différence de d'un conseiller à l'autre. Peut-être que Thierry est... C'est ce qui... avoir des témoignages par rapport à ça. Et puis il y a les gens qui postulent spontanément. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a sur une offre, il peut y avoir entre. Si c'est une offre très difficile, bah, peut-être pas de candidat. Enfin, on n'a pas de candidat à un moment donné. Hein. Certains employeurs demandent le mouton à 5 pattes. Oui, là. Et peu d'employeurs offrent un salaire. Ils reviennent à 5 pattes. Mmh. Mais la notion de placeur a disparu et on a effectivement remplacé, c'est plus. Il n'y a plus une responsabilité, ni du forum, ni de l'ONEM, ni de qui que ce soit, de placer le demandeur d'emploi, ni d'offrir un emploi, emploi comptable. En fait, le problème, c'est qu'une offre d'emploi, on en propose régulièrement à des demandeurs d'emploi, mais à partir de quand est-ce que c'est encore une proposition d'emploi si la même offre est proposée à 50 personnes? Oui. Hein, ça devient fort de loterie, quoi. Mmh. Si on la propose à 5 personnes, donc on peut dire une chance sur 5, si j'en reçois 5, hein, au bout d'un mois ou deux, je devrais être engagé, il y a un problème. Mmh. Mais si cette offre d'emploi-là, une offre standard, sûrement que 50, voire 100 personnes peuvent postuler, que ce soit de façon obligée ou en spontané, ben, la probabilité d'être engagé, on est mis en concurrence. Hein. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a une offre d'emploi parce que... Est-ce qu'on considère la chose du point de vue de l'émetteur de l'offre ou du point de vue de la personne qui reçoit l'offre? Si on considère du point de vue de la personne qui reçoit l'offre, il y a 100 offres qui existent. Même si du côté de l'émetteur, il y en a une. Oui, c'est ça. Oui. Ok, c'est ça que tu voulais, que tu voulais expliquer. Et alors, qui est distribué à 100 personnes. Et alors, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'une offre d'emploi, qu'est-ce qu'un emploi, parce que quand je suis allé par curiosité, on est dans une digression peut-être intéressante, mais voir dans le contrat de gestion du Forum, mais la manière dont ils définissent un emploi, ou un chercheur d'emploi. Un chercheur d'emploi, c'est quelqu'un qui cherche à la limite à s'installer comme indépendant. Ça pourrait. Un emploi d'indépendant est un emploi. Donc ça veut dire qu'une offre d'emploi. Nous, on est en emploi d'indépendant. C'est vrai qu'il y en a parfois qui passent au Forum. Il y en a beaucoup qui passent au Forum. J'ai un ami qui a reçu une offre, consultant médical. La condition, il faut qu'ils prennent un statut d'indépendant. Moi, j'ai sonné au Forum en disant. Si on cherche comme délégué commercial, il y en aura assez bien. Il peut y en avoir 40 à 50%. Mm-hmm. Mais si c'est une offre de serveur, c'est. Mais dans le cas où la condition, c'est de s'installer comme indépendant, si le Forum diffuse cette offre-là, est-ce qu'on peut répondre au Forum, ne vous prenez pas pour les pages d'or? À la limite, la personne pourrait très bien dire, moi, non, pas la réponse, ça ne m'intéresse pas, et là, il n'y a pas de problème. Okay. Je ne pense pas que le Forum insiste sur l'obligation d'accepter l'emploi comme un emploi d'indépendant. Non, c'est une invitation, ce n'est pas une convocation, il n'y a pas d'obligation non plus. Ça n'est pas grave non plus. Quoi? Mais pour l'instant, mais ça pourrait très bien devenir. Hein. Il pourrait très bien y avoir une obligation de devenir auto-entrepreneur sur le modèle français. C'est vrai qu'il y a des professions, si on est médecin, c'est pas un médecin à l'école, mais il y a certains médecins, infographistes par exemple, ou formateurs en entreprise, c'est des professions où on évite une bonne partie qui met. Mm-hmm. Si on ne veut pas l'exercer comme indépendant, ça va être compliqué. Hein, quand la personne vient voir le conseiller, le conseiller va lui dire, écoutez, peut-être que trois quarts des offres, c'est des offres d'indépendants. Si vous voulez travailler comme salarié dans le métier de kiné, il y a les hôpitaux peut-être, dans certains cas, essayer de trouver aussi un autre métier en parallèle. Oui. Et c'est là qu'il y a peut-être un souci, c'est qu'il y a franchement, de la part du Forum, qui est un organisme paritaire dans lequel les syndicats qui défendent les travailleurs salariés ont quand même un certain poids. Ils ont la moitié, le syndicat, le patronat et l'arbitre. Et à mon sens, le Forum devient de plus en plus un lieu où on pousse les gens à s'installer comme indépendants, dans des partenariats avec l'IFAPME et des choses comme ça. Enfin, on est en dehors du débat, je vais y revenir pour que... Mais on va rester quand même sur le point, avec quelque chose qui nous paraissait assez intéressant à l'intérieur même du pacte social. Donc, les obligations, c'est... démontrer une volonté de travailler, et la volonté de travailler devra être prouvée par une inscription comme demandeur d'emploi dans un service de placement et l'acceptation de tout emploi normal auquel le chômeur est apte. Et la notion d'emploi normal se trouve dans le pacte social, mais n'est pas définie dans le pacte social. Et ça nous a interpellés, on s'est posé la question de savoir pourquoi, mais en y réfléchissant bien, parce que à l'époque, un emploi normal, c'est un contrat à temps plein et à durée indéterminée. Parce que tout le monde avait, à ce moment-là, on n'avait pas encore un développement des contrats atypiques, des statuts de faux indépendants, des contrats à mi-temps, de l'intérim ou des titres-service. Et un emploi normal était d'office un contrat qui était défini dans le droit du travail, un contrat à durée indéterminée et un contrat à temps plein. Donc c'est ça que le... d'une part, que les travailleurs s'obligent à chercher et à accepter, et d'autre part, c'est par là que je voudrais conclure, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs donneront tout leur concours à la restauration de l'économie et aux mesures prises pour développer les possibilités d'emploi normal. Donc les patrons, comme les syndicats, s'engagent à développer les possibilités d'emploi normal, c'est-à-dire le contrat à temps plein et à durée indéterminée. Qu'en est-il, qu'en adviendra-t-il? Ça, c'est prévu pour la prochaine conférence qu'on a à vous donner le 22 septembre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Je tiens à faire remarquer que bon, ce n'est pas au 44, mm-hmm. fatalement, le pays, il y a besoin d'être reconstruit. Oui. Donc, lancer. Et donc, on a besoin d'une activité. Là-dessus, qu'il y aura du travail, ce n'était pas difficile. Uh-huh. Je veux dire que c'était même une nécessité. Oui. Et donc, il fallait développer le secteur privé. Développer le secteur. Mm-hmm. Oui. Une autre précision qu'on peut donner aussi, je pense qu'à l'époque, le secteur privé, ça concernait... Il y a plein de gens qui n'étaient pas concernés à l'époque par le secteur privé, qui le sont maintenant. Les enseignants, à l'époque, c'était pas, on n'avait pas un contrat de travail enseignant. On était soit fonctionnaire, les infirmières, c'était des bonnes sœurs. Et les enseignants, souvent, des frères, ou alors... Enfin, dans l'enseignement catholique. Mais il y en a beaucoup. Soit des francs-maçons dans le public. Soit des... Mais des fonctionnaires, en tout cas. Moi, je pense qu'il concerne les 44, c'est que... Effectivement, il faut reconstruire le pays. Mais la situation économique était bien pire qu'aujourd'hui. Or, dans une situation économique bien pire qu'aujourd'hui, on est arrivé à créer une sécurité sociale. Donc maintenant, on écrit en permanence, c'est la crise, il faut diminuer les coûts de la sécurité sociale, alors que la situation, le PIB par rapport à 44, elle a été multipliée par je ne sais pas combien. Donc il y a une production beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante aujourd'hui qu'en 44, et on nous raconte qu'on ne sait pas maintenir la sécurité sociale parce qu'il faut payer la dette. C'est une grosse couillonnade, quoi. C'est vraiment une grosse, grosse couillonnade. Plus il y a de la production, plus on nous dit qu'il faut serrer ceinture. Et ça fait maintenant plusieurs années que la cotisation patronale, on la retire, on les PME surtout, en disant ça va créer de l'emploi. Effectivement, ça crée un ou deux emplois ou trois emplois dans les petites PME, mais ce sont des emplois de transfert. C'est des emplois qui sont retirés de la grosse multinationale comme Cochril, et c'est la sous-traitance qui travaille pour Cochril. Ça fait diminuer les coûts salariaux, ça fait diminuer les coûts de production, ça fait augmenter les bénéfices de Cochril. C'est une question d'emploi de force, non? C'est effectivement, c'est l'emploi de force, ça oui. C'est Paul Hubert qui l'a dit. C'est Paul Hubert qui l'a dit. C'était, vous êtes allongé avant. Il a son plein de cœur. Non, mais c'est vrai que à partir des années 80, que ce soit les syndicats et les mouvements sociaux, on était en perte de vitesse parce qu'on a une révolution conservatrice qui est passée, et c'est à partir de là. Mais bon, le combat, il y a le combat social, mais pour le combat au niveau des idées, elle était terrible. Quoi. Voilà. Je crois que c'est là qu'on a commencé à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup, déjà à ce moment-là. En tout cas, au niveau des idées, même au niveau social, on a commencé à perdre des plumes. Ce serait aussi une période très intéressante. Parce que c'est là que c'est arrivé, les néo-conservateurs, les néo-libéraux, tout ce qu'on connaît. Et c'est là qu'on a commencé à faire vraiment déjà des plumes. On ne va pas dire le combat parce qu'on n'est pas perdu, mais les choses, en tout cas, ça se Ah, dans les combats de coq ou... Dans les rapports de force entre les coqs, ils perdent des plumes. Un combat de coq en rapport de force, ils perdent des plumes. Tout l'accord de 44, c'est une arnaque. Quoi. Les dirigeants syndicaux ont respecté leurs accords et le patronat n'a rien respecté du tout. Quoi. Il s'est engagé, on va défendre la dignité des travailleurs. Bon, c'est... Mais est-ce que ça pouvait être autre chose qu'une arnaque? C'est ça la vraie question. Parce que j'ai essayé de mettre en évidence le fait qu'il y avait à la fois une institution qui s'appelle l'emploi et qui n'a pas... elle en tant que telle pour vocation de redistribuer mais simplement de bouger les gens et de les obliger à accepter dans la machine à accepter d'entrer dans la machine économique dont on avait besoin pour reconstruire le pays. Et à côté de ça, il y a une autre institution qui s'appelle le salaire qui lui fonctionne comme une redistribution mais horizontale. Et je crois qu'il y a à l'intérieur du pacte social la possibilité de quelque chose de redistributif qui n'a rien à voir avec le capital. Et ça, c'est peut-être Patrick qui peut nous expliquer en quoi la cotisation sociale prévue dans le pacte social a quelque chose d'original qui pourrait, enfin, qui continue de remplir son rôle maintenant, malgré... Il y a deux niveaux. Enfin, d'une part, on parle du rapport de force. Et quand on a un boulot, un affreux si on veut le quitter et qu'il y a un chômage qui existe, enfin, des allocations de chômage, c'est une chose. Et si on est en Éthiopie et qu'on a un boulot affreux, on garde parce qu'il n'y a rien sinon. Et donc ça induit ce rapport de force-là dans les rapports quotidiens au travail. Les gens, ils sont obligés de rester s'il n'y a pas de chômage. Enfin, si vous voulez, on peut faire le petit exercice, d'ailleurs. On a prévu un petit exercice pour vous. Mais on le fera après, mais... Vous voulez travailler ? Mais il y a autre chose dans la sécu. Il y a autre chose dans la sécu avec ce salaire socialisé, c'est que des gens sont payés pour ne rien foutre. Et c'est-à-dire que ces gens reçoivent un salaire en dehors du marché du travail. Ils sont extraits du marché du travail, que ce soit des pensionnés, que ce soit des malades, que ce soit des chômeurs, ça ne change rien. Et là, il y a quelque chose... voilà, c'est des gens qui arrivent à vivre dans notre bas monde comme il est fait, mais qui vivent sans devoir se vendre sur le marché de l'emploi. Et là, il y a quelque chose qui est révolutionnaire. Et sans dépendre du CPAS ou... De la fiscalité. Ça, je trouve quand même que il faut quand même dire que c'est énorme comme acquis. C'est énorme. Je ne sais pas combien ça fait de millions d'euros qui sont versés par les employeurs tous les mois pour des gens qui ne travaillent pas chez eux. Je trouve ça quand même assez. C'est quelque. Pour le. Et ce qui est intéressant alors, dans les chiffres, c'est quand même le. Parce que je crois quand même que les gens ne se rendent pas compte que la cotisation, la cotisation sur le chômage est de 2%. C'est page 2. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Quand on entend, mais je paye pour les chômeurs. J'ai calculé sur un salaire minimum qui donne 200 euros net. Grosso modo, c'est 36 euros par mois. Je ne cherche pas trop. À l'époque, parce que je crois que maintenant c'est 2,5%. C'est 24%. Non, 1200 c'est le net, mais ce n'est pas sur le net que les 2% sont calculés, c'est sur le brut. Oui. Donc un net de 1200, ça donne plus ou moins un brut de 1800. Donc c'est 36 euros par mois. Sur les cotisations sociales dites pour le chômage. Du travailleur Les deux. Les deux, oui. 2% sur le salaire brut, c'est ça. Ce sont les pourcentages d'après-guerre. Là, c'est passé à 2,5, je crois. Donc ça ne change pas grand-chose. Oui, qui n'ont pas. Ça fait 40 en plus, donc tu es à 45. Donc sur le masse salarial de ça. Oui, mais je parle de la masse salaire. Oui, ça représente, mettons que ce soit 45 maintenant, ça fait 540 par an. Non, ça veut dire que tu fais fois 40 pour avoir 40 ans de carrière, combien est-ce que ça donnait pour le chômage? Et moi, j'avais calculé là pour l'article de CE4, en 6 mois de chômage temps plein, avec un chômage moyen, tu as récupéré ta donne, tes 40 ans de cotisation. Donc quand les gens disent « je cotise au chômage pour les seniors », s'ils ont 6 mois de chômage dans leur vie, s'ils avaient un salaire minimum, ils ont cotisé pour personne d'autre qu'eux-mêmes. Mais là, tu es déjà dans un truc qui est compatible avec la capitalisation, ce qu'il faut voir. Oui, je prends le raisonnement du point de vue de la capitalisation. Oui, mais c'est un peu le problème. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un système comme celui-là, où on perçoit 2% du brut et où on le redistribue à des gens qui sont en chômage involontaire par manque de travail, si on prend, la pension 7 plus 8,5, donc 15% du brut, pour le reverser à des gens qui ont travaillé, qui ne sont plus en état de travailler parce qu'ils sont atteints par la vieillesse, on arrive à faire tourner un système dans lequel il y a 4,5 millions de personnes. C'est ça qui est important. Mais ce ne sont pas des sommes qu'on met de côté pendant 40 ans pour les recevoir après. Ça, c'est le système de pension par capitalisation qu'on appelle le deuxième pilier pour faire croire qu'il est nécessaire avec un troisième pour ne pas que la chaise s'écroule quoi. Et donc c'est toute la question de la redistribution et de la capitalisation. Oui, Camille. 1,5 million, tu dis c'est le nombre de travailleurs en Belgique. Ah oui. Oui. Y compris les chômeurs. Qui? Non. Y compris les chômeurs. Tu ajoutes. Oui. Non, je crois non, qu'ils ne sont pas non, dans. Je donne des chiffres à la louche. Oui. Mais, c'est s'il te plaît. C'est la population active au travail. Oui, le nombre d'actifs, je crois que c'est 4,5 millions. Pour les chômeurs. Donc ça veut dire que si tu ajoutes les non-actifs, tu arrives à mon avis à 5 ou à 6 millions de personnes. 10% de chômeurs officiels. Mmh. Oui. Oui, donc sur 4,5 millions, 5 millions de travailleurs, ça ferait 500 000 chômeurs. Mais ça, ce sont des chiffres qui sont... toute une série, un tas de personnes qui ne sont pas répertoriées, des demandeurs d'emploi en stage d'attente, qui viennent de changer de label, les demandeurs d'emploi sur le CPS, les demandeurs d'emploi qui travaillent à temps partiel et qui veulent un temps plein, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans qui ont 20 ans de carrière, ou de plus de 55 ans, ils ne sont plus... Les prétentions ne sont pas dedans. Oui, donc c'est ça qui. C'est le chiffre. Moi, j'ai un peu fait le calcul et. 1,2 million de chômeurs en Belgique. Oui, les demandeurs d'emploi en formation, ils sont partout dedans. Oui. Est-ce que tout le monde arrive à suivre là? On ne déconne pas trop là. On ne parle pas trop entre nous. Non, ça va. On fait un petit peu. Parce que, bon, je ne sais pas si Patrick veut lancer le petit exercice. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a encore des questions pour commencer? C'est pas obligé aussi, pour vous, c'est... Moi, c'est la vie. Mais on peut répéter des choses. Non, mais j'ai pris des notes aujourd'hui, ça sert à rien. C'est précisé. Mais pourtant, tu baignes dedans tout le temps. C'est, quand tu reçois ton salaire, tu reçois... Tu en poches une partie et... Oui, non. Mais l'exercice, à mon avis, permettra de faciliter la digestion. Oui, mais c'est ce que je propose avant l'exercice, c'est une pause cigarette. Une cigarette boisson. Là, je vous propose un petit jeu de rôle pour imaginer... Je vous propose un petit jeu de rôle pour illustrer le rôle de la Sécu au quotidien pour des travailleurs ou des chômeurs. Et donc pour ça, j'ai besoin de 10 volontaires. Donc c'est quasiment tout le monde, mais pas tout le monde. Et ceux qui ne seront pas volontaires seront patrons. Alors j'ai besoin de 7 chômeurs. Petit vœu de chômeur. Donc vous retenez, vous êtes chômeur. Hein. J'en ai 7. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Ok, j'ai mes 7 chômeurs. Alors, il me faut 2 pensionnés. J'en ai 1, j'en ai 2. Ah, trop tard. Et il me faut un chômeur. Un chômeur. Ah non, un... Ah non, mais c'est moi qui balbeuille. On recommence, je me suis trompé. Donc on annule tout, il n'y a plus de chômeurs. Non, les 7 chômeurs, vous y êtes, les 7 chômeurs, vous devenez travailleurs. C'est sympa. Voilà, vous êtes travailleurs, ça va? Les chômeurs, vous revenez, vous êtes travailleurs. Mais c'est juste parce que c'était un jeu. Mais vous êtes travailleurs, vous êtes 7 travailleurs. Mais du coup, il me faut juste un chômeur. Qui veut être le chômeur? Qui n'est pas encore travailleur? C'est toi la chômeuse. Ok. Donc maintenant, vous prenez une petite feuille de papier, vous imaginez. Donc, les travailleurs, vous travaillez, et votre patron, c'est-à-dire tous ceux qui restent, on veut vous virer et vous réembaucher avec un contrat moins bien payé. Donc, les travailleurs, mais le chômeur aussi est concerné, et même les pensionnés. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le patron va veut vous licencier et vous embaucher avec un contrat de travail moins bien payé, mais notoirement moins bien. Vous êtes juste au-dessus du chômage. Donc, le premier cas, c'est aujourd'hui. Vous avez droit aux allocations chômage. Qu'est-ce que vous faites? On fait grève d'abord. Je vous laisse écrire. Donc vous imaginez que vous êtes le rôle que je vous ai donné, donc pensionné, chômeur, travailleur. Le patron vous vire et vous propose un autre contrat, mais beaucoup moins bon. Et avec un salaire beaucoup moins élevé. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes en Belgique en 2012, il y a la Sécu qui y a... Il y a... Je vous laisse. Je vous laisse imaginer, écrire, et puis on en parlera. Donc je vous laisse 5 minutes pour cogiter. Et alors bien sûr, le chômeur, c'est, je ne sais plus qui c'est. Évidemment, le chômeur risque de se voir proposer ce contrat. Et le pensionné, pour le moment, vous avez votre pension, puisqu'on est maintenant, c'est le cas actuel. Donc pour le moment, le pensionné, il se repose, mais après, vous ne vous reposerez plus. Là, le CE4 est fini déjà, il a été presté, on est au chômage. On vous l'annonce. Non, vous n'êtes pas encore au chômage. Pour le moment, vous travaillez, vous êtes sous l'ancien contrat et vous l'apprenez. On vous invite à travailler. Donc vous avez un rendez-vous individuel avec le patron, si vous voulez imaginer une situation qui m'a l'air réaliste. Que la concurrence est infernale, qu'il ne s'en sort plus, et que c'est ça ou la porte. Voilà. C'est la Roumanie ou la porte. Voilà, je vous laisse préparer votre plan d'action, les chômeurs, les travailleurs, et la chômeuse, du coup, qui est minoritaire. Jusqu'à présent, elle est minoritaire. Pas trop, ils ont présenté leur truc, mais moi j'ai une chômeuse pour travailler à votre place. Donc là, on a une sécu, il y a des allocations chômage si vous êtes licencié. C'est le premier cas. Moi, j'ai une question. Est-ce que le salaire moindre est proposé, est-ce qu'il est encore plus élevé que le chômage ou pas? En fait, le salaire que vous touchez actuellement, c'est 1500 net. On vous propose 1200 net, un faux 405e temps, qui serait un vrai plein temps. Et le chômage que vous auriez, c'est 1050. Voilà, ça vous donne une idée. Oui, mais et le salaire auquel il veut nous réengager, 1200. Net. Poche. Donc il y a 150. Hein? Voilà, est-ce que vous avez tous votre stratégie ou... Oui. Ben, on fait un tour. Voilà, je ne sais pas. Moi, j'y vais pas. Pour voir si c'est une grosse boîte ou pas, il y a des délégations syndicales, il y a des délégués qu'on a élus. Comment ils vont négocier ça? Quelle stratégie ils ont prévoir de mettre en place? Parce que c'est souvent eux les premiers interlocuteurs. Est-ce que les... Alors, c'est une toute petite boîte, il n'y a pas de délégués. C'est une petite boîte, on est juste entre nous. On est 20 personnes. Quoi. On est nous. À ce moment-là, c'est... Essayer de voir avec les autres travailleurs, donc de s'arranger ensemble, de voir une action qu'on pourrait mener. S'il n'y a pas de délégué, on doit le faire nous-mêmes. Il n'y a pas d'intermédiaire, quelqu'un qui nous porte, qui est élu, et essayer de voir comment on peut bloquer ça, faire pression sur l'employeur, bloquer les machines, bloquer le stock, faire une tournée en plein nuit, le jour. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais il faut que les autres soient partants. Quoi. Il faut que tout le monde soit d'accord. Mmh. Parce que là, le salaire baisse de 20% sans contrepartie, avec le seul peut-être garanti qu'on ne soit pas viré. Donc, c'est faire jouer les gens qui sont dans la situation. Je fais quand même pour la même chose. Hein. D'abord, la consultation des travailleurs, pour voir en avant, est-ce qu'il n'y en a peut-être pas dans les travailleurs qui voudraient bien s'en aller, peut-être. Hein. Peut-être que le travail, ils en ont jusqu'au-dessus de la tête. Bon, évidemment, motiver les gens pour rentrer dans une grève, dans une lutte. Et bon, lorsque la lutte se continue, hein, on peut avoir des conflits qui sont assez longs, c'est pouvoir faire, je vais dire, jurer au patron, mais ça c'est que cette diminution de salaire ainsi fera en sorte de l'engagement d'un chômeur véritable. Donc que ce ne soit pas, un coup dans l'eau, que si on partage les efforts, au moins qu'il y ait un emploi créé, avec une répartition. C'est bien. Alors, le je ne sais pas qui est travailleur, les autres. Qu'est-ce que... Ah, mais alors, toi, tu n'étais pas... Bah alors... C'est sensiblement pareil, hein, c'est consulter les autres travailleurs et essayer d'élaborer une stratégie pour peser collectivement sur la décision du patron, et c'est de renverser. Mais personne ne signerait ça comme ça, quoi. Ah non. Je sais pas, t'étais travailleur, non, toi. Non, j'étais pas travailleur plus. Moi, j'accepte le nouveau contrat parce que je crois au courage. Parce que je crois au courage. Courage. Voilà, j'ai. Je suis un bon travailleur. Voilà, j'ai un signataire, ok. Là, moi, je suis travailleuse. D'abord, bah, j'essaie de. Voilà, une consultation avec tous les autres travailleurs. Et c'est ça, ben voilà, la stratégie, c'est tout le monde se met en maladie. Comme ça, on préserve tous nos secrets de fabrication. C'est quoi, en fait, l'entreprise? J'y ai pas réfléchi. On fabrique des vélos. Ben voilà. Donc, on ne copie pas notre main d'œuvre. Il n'y a pas moyen. On se met tous en maladie. Ils sont dans la merde. On va trouver Philippe Henry. On va trouver Philippe Henry, le ministre de la mobilité. Et voilà. C'est donc moi. Je cherche ailleurs, si je trouve un autre emploi. Mm-hmm. Je fomente une grève. Je tombe en maladie. Je cherche un mari riche. je tue le patron pour le remplacer. Et la dernière stratégie, je me mets en tant qu'indépendante. Wow. Quand tu es le patron, c'est bien. Oui, je crois que ça, je vais mettre en premier lieu. Le patron célibataire. C'est pas mieux pour ce patron, comme ça, c'est la société qui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres travailleurs encore? J'ai pas fait le compte. Moi, je vois le premier avis, donc j'avais mis proposer le lancement d'une grève immédiate. Et de dénoncer médiatiquement le chantage qui nous est fait. Et puis voir en comité de grève qu'est-ce qu'on décide de faire, comment, jusqu'où, est-ce qu'on négocie ou pas. Ok. Et. Pour moi aussi, enfin, rien de bien neuf, enfin, dans les choses réalisables, en tout cas, le dernier recours, c'est tombé en maladie. Et aussi essayer d'influencer en disant que j'ai d'autres options ailleurs, enfin que je, tu vois, je pense par rapport au chômage, quoi, tu vois, pour voilà, pour s'y défendre. Et la chômeuse, est-ce qu'elle accepterait Je peux reprendre dans la chômeuse. Ah oui, oui. Si notre comité de grève va bien, je pense que c'est pas mal qu'on discute d'une amélioration de nos conditions de travail. je suis vraiment pas à l'aise à la peau du patron. Et alors, la chômeuse, est-ce qu'elle accepterait un contrat 4/5 à 1200? La chômeuse, avant de quoi que ce soit, je sais que je dois m'y prendre si c'est un truc qui m'a été envoyé par le forum ou même pas quelque chose. Mais avant, d'y aller. Donc la pression te pousse à. Oui, mais attends, je ne sais pas. Ouais. Avant, de toute façon, de quoi que ce soit, je prends des informations, et je prends des informations déjà au niveau des syndicats et tout ça, sur à quel point, quels sont mes droits, quelles sont mes obligations par rapport à un truc comme ça. Quoi. Par exemple, même si je dois y aller, si je dois aller vivre, des choses comme ça, est-ce que si par exemple le point matériel ne m'intéresse pas, est-ce que je peux le refuser, dans quelles conditions je peux le refuser, etc., etc., tout ces trucs-là, savoir quelle est la marge de liberté, par exemple, si ça ne m'intéresse pas, ou si je ne le sens absolument pas. Et il y a l'autre volet aussi, au niveau de la formation, c'est sur l'entreprise à ce moment-là. L'entreprise, qu'est-ce que c'est, quelle politique elle a vis-à-vis des travailleurs, etc. Et y compris par exemple passer par les syndicats pour savoir comment dans cette entreprise-là ça se passe. Dans quelle situation, quelle est la situation dans laquelle je suis, je me présente. Et puis aussi réfléchir un peu en moi-même, de dire que par exemple si vraiment j'y vais et que ça ne m'intéresse pas, comment je peux m'en sortir, il faut que je ne m'en bouge pas. tout en façade, acceptant. Donc moi, je trouve pas, voilà, moi comme patron qui veut baisser les salaires, j'y arrive pas. C'est un peu la conclusion, enfin je pense. Je pense que si comme patron je veux baisser les salaires, je vais contre un mur, ça va être compliqué. Maintenant, on va imaginer une deuxième situation, c'est-à-dire la même situation. Donc vous avez un salaire brut de 1400 et je vais vous embaucher à 1200, 4/5, info, 4/5, mais on imagine, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chômage, d'allocation au chômage, il n'y a pas de CPAS, il n'y a pas de pension, donc les pensionnés sont maintenant candidats, et on va voir ce qui se passe. Bon, là, je vous laisse stopper juste 5 minutes. Et vous n'avez pas de thunes, vous avez besoin de fric, vous avez besoin d'emploi. Et maintenant, je veux baisser le salaire. Vous reprenez vos rôles, mais dans cette nouvelle situation. Ah, si, la chômeuse est toujours chômeuse, mais toi. C'est une chômeuse, même indemnisée. Tu es prête à faire n'importe quoi, normalement. Normalement, tu devrais signer, j'imagine. Il va appeler la police que vous payez avec vos impôts. Il va appeler la police que vous payez avec vos impôts. On va trouver nos camarades qui produisent des armes et puis les diapositives. On est dans quel pays ? Non, c'est genre les États-Unis ou quelque chose comme ça, l'Angleterre. C'est pas si folklorique que ça. Bah, qu'est-ce que... Après, le but, c'est d'être honnêtement, d'imaginer honnêtement, sans la sécu, est-ce que vous pouvez faire... On lance un vaste mouvement politique qui réclame la sécurité sociale. Oui, mais il intérêt à aller vite parce que vous avez des factures. Ma position est de loin la plus confortable. J'ai choisi la bonne solution parce que j'aurais investi les communautés de grève, j'aurais dénoncé tout cela à mon patron. Et je deviens son bras droit et j'obtiens une augmentation de salaire. Il y en aura toujours. C'est pas parce qu'il n'y a pas de place sociaux qu'on ne peut pas avoir un mouvement de travailleurs. Qu'on ne peut pas ? Je dis, si c'est pas parce qu'on n'a pas de place sociaux et ceci et cela qu'on ne peut pas avoir un mouvement de travailleurs. Vous pouvez avoir un mouvement de travailleurs, voilà. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis patron, j'ai un chômage de masse, je veux diminuer mes salaires et il n'y a pas de sécu. Oui, je veux dire, ça ne m'empêche pas de réagir même si on n'a pas de sécurité par ailleurs. Mais c'est ça, je vous laisse imaginer la différence que ça fait. Après, on va. Si vous voulez, je vous laisse quelques minutes là y cogiter, chacune dans vos rôles respectifs, et puis on voit la différence, s'il y a une différence. Mais à mon avis, ça fera au moins. Il va m'arrêter la production. Il y a de l'empêche, même s'il n'y a pas. Moi, j'ai un peu de stock dans mes ateliers, il n'y a pas de souci. Je crois que c'était hier que j'en avais. Je t'ai dit, mais c'est lui. Oui, c'est la première fois. Il y a aussi le stock. Parce que j'ai la sécu, quand même, un petit rappel, il a fallu un siècle et demi pour arriver à la sécu. Oui, mais enfin, c'est des mouvements, par exemple, dans des pays qui n'ont pas de France médicaux, ils se le commandent en mouvement. Je veux dire, la sécurité sociale, c'est parce que ça passe par la loi. C'est tout. Voilà, maintenant, tu as peut-être moyen d'obtenir autre chose, même si ça ne passe pas par la loi. Tu n'auras plus enfin le rapport de force. Hein, Mais voilà, mais on va voir ce que vous faites, mais c'est pas. Ouais, mais on l'a déjà dit. Moi, je pense que si les gens crèvent la misère, c'est beaucoup plus dangereux pour l'État. Donc, ah oui. Voilà. Oui et non, parce que sans jouer le jeu, Fabien fait très bien, je suis à peu près certain qu'il y aurait beaucoup plus de Fabien parmi nous s'il n'y a pas la sécurité sociale. Donc c'est aussi, ça peut aussi jouer dans son avantage à lui, s'il n'y a pas de sécurité sociale, qu'il y en a plus qui vont être prêts à accepter les conditions qui leur sont imposées. Peut-être plus qu'ils seront prêts à aller prendre le padron éco, prendre l'entreprise, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour sortir les stocks, je ne sais pas comment ça a été fait. Dans certains cas, il y en a aussi plus qui vont prier. Mmh. Je pense. Pourquoi? Donc la conclusion. Alors, je vais le dire là. Et donc, moi, je rêve un peu, je me dis, bon, dans ce cas-là, si on se retrouvait dans une situation pareille, il faut en remettre même le système monétaire, de l'argent, des échanges, changer de système, c'est tout. Faire un système parallèle. Ouais. Faire un système, créer un système parallèle, les laisser jouer avec leur fric s'ils veulent jouer avec leur fric, mais qu'il y ait autre chose qui se crée sur le côté. Tu dois prendre des machines quand même. Oui, ça veut dire prendre l'entreprise. Et machine. Machine, ça ne te payera pas les traites, tu vas bloquer le patron, c'est un moyen de pression sur lui, mais il faut voir jusqu'où il acceptera. Non, si tu prends les machines et tu les fais tourner, les interrompes. Il y a eu des entreprises qui ont été reprises, pas au même endroit. Oui, tu dis le patron, en Argentine, ils ont repris des entreprises en autogestion. Mais c'est des entreprises qui se fermaient. Hein. C'est-à-dire que si je ferme l'entreprise, que vous la reprenez en autogestion, c'est une chose. Mais si je ne la ferme pas, mais que je vais vous embaucher moins cher, c'est une autre chose. Et en plus, c'est un mauvais patron puisqu'il ne sait pas se défendre contre les autres patrons. Voilà. De toute façon, tu es mauvais, tu aurais mieux fait faire autre chose. Quoi. Si tu ne subis pas, si tu ne réussis pas à faire ta super compétition vis-à-vis de ton autre entreprise qui est en compétition avec toi permanente, ben arrête. Ah oui, mais le patron, il va vous dire, ben, vous savez, moi je suis en compétition avec des Chinois qui sont à 600 euros par mois, donc qu'est-ce que vous voulez, vous voulez y aller aussi. L'international, le patron. Alors il faut voir une des choses les plus simples, c'est de voir si ce que... Ici en Belgique, 20 cents sécu, ce n'est pas légal. De baisser le... Unilatéralement, baisser les salaires à conditions de travail identiques, ce n'est pas légal. C'est courant, c'est chose très courant. C'est chose très courant. On termine l'entreprise, on change le nom. Oui, d'accord, mais il y a différents artifices quand même. Bah, ok, bah alors j'ai une stratégie bis, c'est-à-dire je fais faillite et la nouvelle entreprise me propose des contrats à 1200. Il n'y a pas de souci, moi. C'est toujours moi le patron, mais. C'est comme ça que je suis là. Ben oui. Mais c'est ce qui se passe alors qu'il y a une sécu. Mais s'il n'y avait pas de sécu, dans quelle situation ça mettrait Ce qui se passe en Espagne maintenant, hein. Ils font pas ce qu'ils veulent. Baisser le salaire, baisser, de changer d'entreprise. Ouais, c'est très sympa pour les patrons, ça c'est cool. Voilà. Mais ça pose un problème au niveau économique, c'est que mes vélos, qui va les acheter? Si tout le monde a le salaire qui baisse, plus personne va acheter de vélo. Hein? Pour les folles. Oui, mais. Mais je trouve que la patron, tu vas te retrouver au chômage aussi. Comme patron? Ah oui, oui, oui. Mais sauf que comme patron, comme je suis en concurrence, comme il n'y a pas de sécu, les salaires baissent, donc je suis obligé de baisser les mains. Sinon, je disparais aussi. Quoi que je fasse, je disparais en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas patron. Non. Moi, j'ai presque envie de dire, quand c'est pas encore catastrophique, tu boycottes le produit des patrons qui font ça. Et tu fais, ben, comme on le disait tout à l'heure, création d'une alternative sans monnaie, quoi. Donc le troc, ben, c'est une entreprise, là, votre opération. Ouais, ouais. Ben, est-ce que vous boycottez tous les produits de Chine ou du Bangladesh? Quoi? Ah, non. Est-ce que vous boycottez les produits de Chine ou du Bangladesh? Non, on ne vient pas. Non. Parce que c'est ces conditions-là, hein, c'est... Il n'y a pas de sécu. Je crois pas, oui. Je crois pas, c'est difficile. C'est un peu compliqué, oui. C'est compliqué. Voilà. Le travailleur chéri du patron, là, je lui propose de créer une guerre clandestine de travailleurs clandestins et on fonde un atelier clandestin pour sauver l'usine. C'est très inquiétant. Vous les faites travailler en noir? Mais ça sert à rien de travailler en noir, parce qu'en blanc, il n'y a quand même pas de sécu, donc... Oui, c'est un peu de l'esclavage. Si nos vélos font le vent aux États-Unis ou en Suisse... Mais par contre, juste la question aux retraités, moi, j'aimerais les entendre, les retraités, puisque moi, j'ai des travailleurs en moins. Est-ce que vous, qui n'avez pas de pension, est-ce que vous seriez prêt à travailler quand même un peu? Moi, j'ai quand même quelques économies de côté, hein, donc je pourrais peut-être... mourir avant, enfin voilà. Je te le souhaite. Sinon mon fils vient d'obtenir un job, je vais garder ses enfants, et voilà, je crois qu'il va un peu m'aider. Puis sinon j'ai beaucoup... beaucoup d'expérience, moi, donc je pourrais remplacer aisément quelqu'un qui n'en a pas, c'est plus jeune. Et donc, ça t'intéresse ce boulot quand même? Oui, mais je me dis qu'on pourrait quand même aussi se mobiliser. Parce que 1200, c'est pas mal. Oui, mais enfin, s'il faut, je ferai ça, évidemment, mais je trouve qu'on pourrait quand même se mobiliser tous et dire que personne n'accepte de travailler en dessous d'un certain seuil, quitte à mettre de l'argent de côté pour ceux qui n'ont pas de travail. Voilà, mais enfin, si ça ne marche pas. C'est vrai que si les 10 personnes qui vont être licenciées font bloc, en imaginant que ils les virent, il ne va peut-être pas trouver facilement 10 chômeurs qui sont capables de faire le boulot pour lequel les 10 étaient engagés. Il faudra peut-être un certain temps. Mais je pense que si les 7, parce qu'il y avait 7 travailleurs, si les 7 sont solidaires, effectivement, le patron ne peut pas licencier. Sa boîte s'écroule. Il ne retrouvera pas, il lui faut trop de temps, c'est trop de pertes. Voilà. Mais là, j'en ai déjà un, j'en ai presque un et demi. J'espère avoir la chômeuse. J'espère en convaincre un ou deux. Elle m'a soufflé dans l'oreille de dire « simoler ». Ouais, je ne peux pas compter. Mais voilà. Mais c'était juste voilà, un petit exercice pour que vous voyez la différence de pression. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de plan B, négocier ensemble, ce sera plus compliqué. Parce que vous êtes tous avec vos factures, vous êtes tous avec vos échéances, éventuellement il y en a qui sont endettés, dans les 7 statistiquement il y en a 2 qui sont endettés, donc ceux-là ils devront continuer à bosser. Donc s'il n'y a pas de sécu, s'il n'y a pas de protection, mais c'est sûr que pour la négociation vous êtes de toute façon en situation de faiblesse, puisque au lieu de dire ben, si vous vous en allez vous aurez le chômage, on va vous dire ben, si vous en allez vous allez mourir de faim. Donc c'est, voilà, c'est ça que je voulais. Et alors, les pensionnés eux-mêmes, s'il n'y a plus de pension, et ça, c'est, on l'a vu, on le voit aux États-Unis, hein, parce que c'est des fonds de pension, il y en a qui se sont écroulés, donc il y a des gens qui n'ont plus de pension. Et ces gens-là, ben, ils retournent à bosser. Hein, à 80 ans, ils vont bosser. Et voilà, ça, c'est le deuxième pilier en application. Qui est apposée. Est-ce qu'il faut autant de temps pour constituer un fonds de pension que pour constituer des caisses de sécurité sociale? Est-ce qu'il faut autant de temps pour constituer un fonds de pension que pour constituer des caisses de sécurité sociale? Voilà. Oui, très bien. Mais en fait, je peux répondre. Oui. Non, vas-y, non, je me sens. La sécurité sociale, c'est une redistribution, donc c'est instantané. Puisque chacun va payer une portion et qu'on redistribue. Donc ça, c'est instantané. Par contre, un fonds de pension, c'est quoi? C'est des gens qui épargnent individuellement, ils versent leur argent à un fonds qu'ils investissent. Alors l'investissement, soit il se porte bien, et quand vous serez vieux, vous avez une pension, soit il ne se porte pas bien, et quand vous serez vieux, vous retournez bosser. Vous avez compris? Quand je pose ma question, même sur le terme caisse de sécurité sociale, on ne sort pas très fort comme une boîte dans laquelle on met de l'argent, mais c'est de l'argent qui entre, qui sort directement. Et quand on dit les caisses de sécurité sociale sont vides, c'est leur vocation. C'est une catastrophe pour tout le monde. D'accord. Quand on dit aussi il faut défendre, enfin comprendre la sécurité sociale pour la défendre. Parce que c'est un édifice qui est fragile et qui menace de s'écriver. Mais c'est pas. Les caisses de sécurité sociale n'ont pas tendance à se remplir, pour après pouvoir être distribuées. C'est. Il n'y a pas d'accumulation. Et donc ce ne sont pas des caisses. Comme on conçoit les caisses d'un fonds de pension. C'est continu, c'est un flux. Oui, ça entre et ça sort. C'est pas un flux et pas du tout un seul. Ils font ils imaginent que dans 20 ans il y aura 3 fois plus de pensionnés, donc oui, bien sûr. Le système ne marchera plus. Tout à fait, il faut dire que dans 20 ans, il faudra que plus d'argent rentre et sorte des caisses. Peut-être. Et dans 20 ans, la productivité aura aussi augmenté. Parce que par exemple, le taux de retraités était bien plus faible en 1945 qu'il n'est maintenant. Maintenant, il est assez important. Or, les caisses ne sont toujours pas en faillite. Parce que oui, et qui joue aussi, mais les gens sont beaucoup plus productifs aussi. C'est-à-dire que en 1940, mettons qu'on avait un gâteau où on devait en prendre 5%, et maintenant on en a genre 6 et il faut en prendre 20%. Donc on a plus de gâteaux qu'avant quand même. Hein. Mais quand même. Juste. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites c'est instantané, moi ça ne change pas tous les mois en fonction de ce qu'il y a dans la caisse. Donc, imaginons qu'à un certain moment donné, il y ait plus d'argent. Les cotisations sociales dépassent, les rentrées dépassent les sorties. Qu'est-ce qu'on fait c'est quoi? Les rentrées dépassent les sorties. Historiquement, il y a eu plus de périodes où les rentrées dépassaient les sorties que l'inverse. Mais maintenant, ils ont. Il y a un petit fonds de réserve quand même dans ces cas. Oui, mais ce qui s'est passé dans les années septembre. C'est pas ça, l'ailleurs, de la sécurité sociale. Pour pouvoir gérer le quotidien. Oui. C'est des fonds qui permettent d'ajuster. Oui, c'est pas des fonds qui permettent d'ajuster. C'est des fonds de réserve au jour le jour. Mais ce qui s'est passé depuis la fin des années 70, les fameuses années 80, là, dont je crois que c'est toi qui parlais, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des cadeaux, entre guillemets, aux patrons. Donc ils ont eu des exemptions de cotisations sociales. Et donc concrètement, en imaginant la sécu comme une baignoire, si on veut, donc c'est le robinet d'arrivée qui était réduit. Et puis maintenant, on dit au bouchon, à l'eau qui s'en va, on réduit le trou. On réduit la consommation de sécu, donc on réduit les droits au chômage, on réduit. Et là, Patrick, je suis pas d'accord parce que tu conçois ça comme quelque chose qui puisse se remplir, auquel on pourrait mettre un bouchon. Oui, l'image est imparfaite, je suis d'accord. L'image, c'est quand on fait des cadeaux de cotisations sociales au patron, on leur dit voilà, c'est de l'argent que vous n'avez plus à faire entrer dans les caisses de la sécurité sociale. Mais c'est comme si on leur disait vous faites rentrer cet argent et vous récupérez directement, plutôt que cet argent d'avance et retourne en allocation. En allocation de chômage, en pension, etc. C'est de l'argent qui est appelé à circuler. Et je pensais on dit souvent qu'un État ne peut pas faire faillite, mais on est dans la même situation. Un État n'est pas censé non plus accumuler beaucoup d'argent dans ses caisses. Oui, bien sûr. Quand on dit, il n'y a plus que... si un État n'a rien en caisse, il produit chaque année un PIB qui est nouveau. Oui. Et donc, il est censé aussi redistribuer de l'argent. Et donc la faillite d'un État n'est pas concevable, et la faillite des caisses de sécurité sociale non plus. Oui. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, et non plus d'argent qui peut sortir. Mais en l'instant, c'est un système qui fonctionne dans l'instant ou sur un trimestre. Oui. La faillite d'un État n'est pas possible en Europe. Je trouve que la faillite d'un État dans le monde en général. D'un État qui, qui maîtrise sa monnaie, parce que le problème maintenant, c'est qu'on a un cas différent avec l'euro, puisque les États ne maîtrisent plus leur monnaie. Mais si un État frappe monnaie, il ne peut techniquement pas faire faillite. Sa monnaie peut dévaluer, mais il ne peut pas faire faillite. On peut avoir le bolivar, mais pas... Et donc, si un État... Un État peut faire défaut. Il peut dire, ma dette, mes créanciers, vous allez... Il y a la technique Philippe Lebel, on les accuse d'être hérétiques et on les met sur le bûcher. Mais ça, c'est un peu, ça c'est une technique un peu forte. Mais il y a aussi moyen de faire ça plus doucement, juste dire voilà, on va pas payer. Il y a eu des accords aussi après-guerre avec l'Allemagne pour annuler la dette de Versailles. Ça peut être aussi plus gentleman. L'Islande, l'Équateur, qui ont fait, même la Grèce en fait, qui a fait défaut sur une partie. Du coup, parce que quand même vous tournez autour d'un pot là, que je n'arrive pas là et j'arrive pas à comprendre où vous voulez en arriver, avec cette histoire du coup d'instantanéité là, parce que je pense qu'effectivement on a un peu dans la tête, et d'ailleurs on nous dit, le système de pension va à sa faillite et tout ça, donc les patrons doivent payer moins pour que tout ça soit en équilibre et effectivement comme si si on se serrait pas la ceinture aujourd'hui, demain ça va aller plus mal. Et tu reviens toujours dans c'est pas un système qui fonctionne sur le temps. Voilà. C'est, donc ce ne sont pas des caisses au sens où, on essaie, à mon sens, il y a un travail idéologique qui est de nous dire les caisses de la sécurité sociale fonctionnent comme une espèce de coffre-fort dans lequel on devrait mettre de l'argent pour pouvoir le récupérer au fur et à mesure quand on en a besoin. Mais si tu ne dis pas ça, qu'est-ce que tu dis alors ? Et quel est l'enjeu ? C'est l'enjeu, c'est ça. Mais l'enjeu c'est de revenir aux cotisations sociales, c'est de les ramener à ce qu'elles étaient, qu'elles puissent tenir le rôle qu'elles sont censées tenir, de redistribution instantanée, mais pas de thésaurisation. La Sécu n'est pas faite pour thésauriser, même si elle l'a fait dans le passé et qu'elle risque de le refaire un jour. Mais c'est pas sa vocation, c'est pas Gripsou. Oui, il faut augmenter les cotisations sociales pour pouvoir distribuer davantage, pas pour pouvoir thésauriser. Dont on avait parlé la fois passée, ah oui. le financement alternatif, hein, la taxe sur l'énergie, et ce genre de choses, on a fait la taxe sur l'innovation, etc., qui ramènerait, si c'est les cotisations qui coûtent trop cher et qui embauchent de travailleurs, un financement alternatif. Mais déjà, oui, ça tient pas. Mais déjà, les cadeaux, les exonérations de cotisations sociales, je crois de mémoire, c'est 10 milliards, plus ou moins. Et ce que coûte le chômage, c'est 6 à 7 milliards, si ma mémoire est bonne, ce compris les prépensionnés et par exemple, les ouvriers de la construction quand il pleut. Donc, il faut vraiment comparer les cadeaux faits au patron de 10 milliards et le coût de 6 à 7 milliards des chômeurs. C'est vraiment, je pense que la messe est dite. La sécu, elle va très bien, en fait, potentiellement. C'est quoi ça ? Salaire individuel, salaire social, c'est pas mal. Sinon, pas trop mal. La plus-value, c'est ça qu'il faut faire en moment. Oui. Et alors, dans la plus-value, t'as deux parties. Ça réduit derrière. Voilà. Du coup, je vois bien. Quand le travail crée de la valeur, après ça peut être désastreux, ça peut être calamiteux, mais c'est de la valeur au sens de l'argent, ou d'autres choses qui valent. C'est le certificat. Ça, c'est ce que fait le travail. Je veux dire l'inverse. Le travail, c'est créer des choses qui valent. Et donc, dans cet argent, on peut distribuer en secteurs. Donc, il y a le salaire individuel, ce que Dominique appelle le salaire poche. Il y a le. Cotisation des travailleurs. Cotisation patronale, mais qui sont en fait tout pour la Sécu. Mais ceci fait partie, en fait, du salaire aussi. Ouais. Tout ça, c'est le salaire. Et ça, c'est le capital. J'essaie d'écrire à l'envers, mais voilà. PV, c'est le moins. Plus-value. Ça, c'est la plus-value. Et dans la plus-value, il y a à la fois ce qui est investi, enfin, ce qui est bénéfice et ce qui est investissement. C'est aussi une plus-value. C'est pour le patron, ça, donc le bénéfice pour le patron et l'investissement que le patron refait avec une partie de ce qu'on a produit. Voilà. Donc il y a toujours ce schéma-là. Après, les proportions divergent, mais donc ici, on a vu le rôle du salaire socialisé avec le petit exercice. Mm-hmm. Ce n'est pas contre le salaire individuel. Ça permet aux gens de ne pas signer des contrats pour d'autres. Par contre, il y a un rapport ici entre le travail et le capital, si on peut, enfin, entre le salaire et le capital. Et le but de faire baisser ceci, le but de faire baisser ceci, c'est de bouger le curseur par là. Vers la droite pour moi, vers la gauche. Maintenant, les employeurs vont te dire, ben voilà, mais la marge bénéficiaire se réduit de plus en plus parce que la concurrence des pays du tiers-monde, des pays émergents, donc j'ai une marge de plus en plus réduite, qu'est-ce que je fais? Mais oui, les temps sont les mêmes qui sont dans les pays. C'est pas vrai en Chine, tout ça. C'est en mais la concurrence n'est pas une malédiction. On peut aussi décider qu'on n'est pas en concurrence avec des pays où Mais si la Belgique, enfin l'Europe en général accepte les. Je sais pas, je vais prendre de l'électroménager qui vient de Chine, imaginons. Les firmes qui fabriquent de l'électroménager européen ont de plus en plus de mal à. Bien sûr. Donc, à les vendre sur le marché parce que les coûts de production sont plus élevés. Donc, si l'Europe ne met pas à la frontière des taxes parce que ces produits-là sont fabriqués sans respecter l'environnement, sans respecter les droits des travailleurs, si ce phénomène de mondialisation, bah, les firmes qui produisent en Europe, soit elles font faillite, soit elles doivent trouver des systèmes de réduction de coûts. Mais si ça, c'est la libre concurrence entre travailleurs, mais la libre concurrence entre travailleurs, c'est pas obligatoire. Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais tu peux décider que c'est plus le cas. D'ailleurs, c'est pas le cas, c'est pas tout à fait le cas. En partie, il y a beaucoup de choses qui sont le cas. Oui, non, mais l'exemple que je t'ai cité, oui. Oui, mais cet exemple-là est problématique. Donc pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de revenir là-dessus? Mais c'est contraire à cette libre concurrence. Mais qui est une concurrence entre travailleurs qui est la même sécu? Ça c'est déjà beaucoup plus correct. Mais si c'est une concurrence... Aussi, quand même, je ne dis pas que on doit vivre oui. En concurrence. Mais en tout cas, il y a concurrence entre des sécu différentes. Qui va gagner? C'est un peu... Vous préférez remplir quelqu'un à 1 000 euros par mois ou à 300 euros par mois? Mais ce sont des choix politiques aussi. Je veux dire que si il y a une libre concurrence, c'est aussi un choix politique de nos gouvernants. Mais oui. C'est pas, je veux dire, à hasard qu'on a choisi de faire venir ici en Belgique l'électroménager qui est fabriqué en Chine. On peut aussi dire que nous avons une Europe soi-disant forte avec l'euro et nous achetons les produits qui sont des pays qui sont produits. Dans les mêmes conditions que les nôtres, ça peut être un choix aussi, mais bon, c'est pas celui-là qu'on a fait. Il faudrait aussi savoir quels sont exactement les capitaux qui sont derrière les entreprises dont on parle, parce qu'il ne serait pas forcément étonnant de découvrir que tu as des capitaux des mêmes holdings financiers qui financent des entreprises qui sont soi-disant en concurrence. Je ne connais pas les situations actuelles, mais en 40, on sait que des financiers américains finançaient autant l'armée américaine que l'armée d'Hitler et que le micro-tour, c'est-à-dire qu'ils gagnaient sur tous les tableaux. Oui, ça aussi. Ça, et en plus, ce qui était génial, c'est qu'ils faisaient produire des matériaux qui se détruisaient mutuellement, donc il fallait toujours les reproduire. C'était des avions, et pas que je te fasse un avion, et là, tous les deux cas, faut faire. Donc c'est aussi ça, hein, c'est la libre concurrence derrière, il y a des arrangements, il y a des... Oui, la libre concurrence, je parle entre les travailleurs, je ne parle pas au sein des différentes... Des entreprises. Entreprises. Et effectivement, là, je pense qu'il y a beaucoup d'oligopoles, d'ententes, pas de soucis. Je veux dire, il faut faire du blé, donc ils sont obligés de le faire. Enfin, ils sont techniquement en situation de le faire. Mais c'est pas ça la question. Par contre, il y a vraiment une concurrence entre les travailleurs. C'est-à-dire que le jour où on aura le standard de vie des Chinois, on va vous dire, vous savez, les bains de vie sont moins chers. Mais ça se passe déjà maintenant avec les ouvriers romains ou polonais qui sont redélocalisés. Dans le bâtiment de jeu, en Europe, on paye des coquinettes, justement, pour ne pas prendre des ouvriers. Ouais, ou même en blanc, enfin, de la construction, ce qu'ils utilisent, c'est des faux indépendants roumains. Voilà. C'est quoi la vraie question alors? C'est pas la vraie question de savoir comment est-on, en cours la libre concurrence entre travailleurs, la vraie question ne se situe pas à niveau philosophique. C'est quoi la vraie question? Ah, si, la vraie question, c'est la concurrence entre les travailleurs. Très pratiquement là aujourd'hui. C'est ça qui empoisonne tout l'univers social et l'univers économique et l'univers productif depuis qu'on a décrété qu'il fallait la libre concurrence, qu'il fallait marché fort, quoi. C'est ça qui empoisonne. Quelque part, on parlait de la concurrence entre entreprises. C'est derrière la concurrence entre entreprises qu'on organise la concurrence entre travailleurs. Et les entrepreneurs disent on n'a pas le choix, il y a nos concurrents qui sont moins chers que nous pour produire tel ou tel produit. Mais là où la question se pose, c'est cette concurrence-là, c'est une fausse concurrence. Et on nous fait passer ça comme étant un phénomène naturel contre lequel il y a moyen de rien faire. C'est ce que Thierry explique. La même entreprise, elle peut très bien avoir une usine en Chine, une usine ici, et dire ah mais on est concurrent des Chinois, et faire passer les Chinois pour étrangers. Et pour, mais c'est ce qui se passe, c'est toutes nos entreprises. Je sais pas, j'ai acheté un ordinateur américain, mais c'est Made in China, IBM, ou HP. C'est en Chine, oui. Le hardware, même le software. Même. Et la question, c'est donc la question de la fausse libre concurrence entre entreprises, plutôt que la question de la concurrence entre travailleurs, qui dérive de cette fausse libre concurrence-là. Mais en tout cas, moi, que les entreprises se fassent non concurrents, je m'en bats l'œil. Mais par contre, que les travailleurs, les travailleuses se fassent concurrence et qu'on voit nos conditions de vie dégradées, moi, c'est ça qui me touche en tant que salarié social. C'est le renforcement, c'est peut-être aussi ça qui est derrière le truc, c'est le renforcement du salaire social qui contrecarre cette dimension de la mise en concurrence des travailleurs. C'est plus le salaire social. Et fort, plus on peut résister à la mise en concurrence dans laquelle on essaie de nous. La concurrence entre travailleurs et travailleurs est incitée par ce qui est réalité. Si tu es travailleur, que tu as des employés, que tu as des enfants, et qu'on te dit si tu ne travailles pas pour moi, 20%, ben voilà. Donc là, ce qui est réalité, on vit tous les jours. Moi, je me dis, il y a ce qu'il y a à faire, effectivement, c'est plutôt au niveau des idées qu'il faut se battre aussi. C'est-à-dire un peu déconstruire un peu le discours, ce discours-là sur la concurrence, la concurrence nous incite. Parce que dans la réalité, quand tu es travailleur ou tu es chômeur, tu es parfois dans des situations impossibles aussi. Quand tu es en concurrence, tu es dans des situations impossibles. Et donc là, je ne sais pas très bien. Parce qu'il y a une part un peu je ressens ça comme ça, c'est un peu notre faute. Non, c'est pas ça. L'histoire, c'est qu'il faudrait un peu renverser le discours qu'on fait sur la concurrence entre les entreprises, l'inéquité, que la libre concurrence est inéluctable, des choses comme ça. Le travail là est à faire. C'est-à-dire que dans le compromis du pacte social, il y avait quand même l'idée que les employeurs allaient donner du plein emploi. Ça faisait partie du texte. Donc c'était le texte, en gros, c'est les syndicats disent « Ok, on va pas faire la révolution, vous n'aurez pas votre tête au bout d'une pique. En contrepartie, vous faites le plein emploi et on crée la sécu. » Ça, c'était un peu le deal, quoi. Or, le deal, il a été... C'est ce qui a marché quand même pendant tout le temps. Tout à fait, mais il y a quand même... C'est ce sur quoi on revient depuis les années 80, depuis les années 70 même. Moi, je voulais quand même dire, sur la concurrence entre les ouvriers, il y a quand même en 36, il y a eu un mouvement des chômeurs, des travailleurs qui est incroyable. Bien sûr. Donc, dans certains contextes, cette concurrence... Un certain nombre de réalités, que les situations vraiment se sont aggravées depuis les années 70, elles se sont vraiment aggravées, et que tu as des gens qui sont dans des situations qui sont extrêmement difficiles, quoi. Que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, économiquement, socialement, difficile. Quoi. Et donc, de cette réalité-là, il faut en dire compte, quand tu veux construire quelque chose qui soit alternatif, ou tu as envie, des gens qui sont vraiment dans la merde, et donc, les choix sont plus difficiles à ce moment-là que si dans des situations un peu mais il faut savoir que. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, je sais bien, je connais le Front populaire, calculer des mouvements, etc. Mais on est vraiment dans des situations qui sont difficiles économiquement, politiquement et aussi au niveau des idées. Quoi. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a autant de discours sur les chômeurs. Mais au niveau du pays, on n'a jamais été si riche. Oui, je ne parle pas de la réalité. Et on n'a jamais produit autant en Belgique. Et ça, c'est au moment où on dit aux mini-mexés, aux chômeurs, aux pensionnés, aux je sais pas quoi, il faut que vous passiez un repas sur deux. Je suis d'accord. Enfin, c'est du. C'est ça qu'il faut expliquer. Voilà. Sinon, ouais, c'est sûr. Expliquer qu'il n'y a pas de solution individuelle. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il faut expliquer. On ne dénonce pas assez, en fait, tout ce qui est derrière ça, ce qui est, en fait, les actionnaires et les bénéfices que ces gens-là veulent obtenir vis-à-vis d'un même travail. On sait que Coquerel, en fait, il est viable, mais parce qu'il n'obtient pas un taux de rentabilité pour les actionnaires de 15%, on ferme. Alors qu'avec 7, ça peut très bien tourner. Donc, ça dépend, c'est vraiment ce jeu-là qu'il faut dénoncer. C'est cette concurrence ou super profit à tout craindre qui est à détruire toute la solidarité sociale, tout ce qu'on a essayé, en tout cas, depuis la guerre, à mettre en place. Et je trouve ça très, très, très grave. Mais Jean-Paul, c'est d'autant plus grave que ce sont souvent des bénéfices qui sont motivés, par exemple, par le fait qu'on doit réattribuer les fonds de pension. Exactement, oui. Ou des acteurs comme Arco, le holding communal, et des choses comme ça. Il faut que ça reçoive suffisamment d'argent pour fonctionner. Et assurer un autre type de protection sociale que celle qui est prévue par la sécurité sociale. Et qui, elle, passe par de l'accumulation et la capitalisation. C'est-à-dire la sécu qu'il y avait avant la sécu, quoi. C'est-à-dire la sécu qu'il y avait avant la sécu. Les gens qui ont les moyens, ils cotisent une assurance, et ceux qui n'ont pas les moyens, ils crèvent. Voilà. Et donc ça n'a plus à ce moment-là le... Mais oui, une assurance privée, si tu cotises une assurance privée pour le chômage, on va te demander par exemple 800 euros par mois. Et bon, ben, si tu gagnes 4000 euros par mois, tu peux te le permettre. Mais si tu gagnes 2000 euros par mois, ce n'est pas possible. Voilà. Et si tu gagnes 1000 euros par mois, c'est encore moins possible. Et donc, c'est qui va pouvoir avoir droit à cette assurance? Ben, ceux qui auront le moyen de cotiser. Voilà. C'est tout simple. Il y a déjà quelques années que j'ai entendu parler de ça. Il y avait des propositions. Donc, il y a déjà quelques années que j'ai entendu parler de cette histoire de... mettre en place des propositions de systèmes d'assurance privés contre le chômage, notamment pour les cadres, ben forcément, parce que ce sont des assurances qui vont... Je crois que ça existe chez les cadres. Et comme dans ils créent de plus en plus d'entreprises qui ont des objectifs de durée très courte, c'est un système qui correspond très bien à ça, c'est-à-dire les mecs qui se font des méga salaires pendant 5 ans, ils payent une assurance, puis pendant un an, ils ne bossent plus, ils relancent un projet, il y a des systèmes de stock option, etc. Et puis ils repartent pendant X années, et pendant ce temps-là, ils cotisent, donc ils se mettent des assurances privées en place. Ça existe déjà chez les indépendants, hein, pour maintenir leurs dépendants sociaux. Des assurances qui coûtent cher, mais au moins ils ne perdent pas les droits sociaux, en tous les cas en tant qu'indépendant. Ils existent déjà. Mais les prestations. Quand tu fais un prêt hypothécaire. Quand tu fais un prêt hypothécaire, tu dois ramener 2-3 fiches de salaire. Si tu n'es pas sûr de ton contrat, ils te demandent de payer une assurance et pendant un an ou deux, ils te remboursent ton prêt à ta place. Mais ce n'est pas tu as droit au chômage, mais ils ne vont pas te prendre de ton chômage. Ils considèrent que c'est l'assurance qui rembourse un certain nombre de mois ou d'années. L'assurance perte de revenus. Oui, c'est ça. Là, c'est plus répandu, ça existe un peu partout. Tout le monde est bien convaincu qu'il faut absolument défendre le salaire socialiste. Quand on a parlé tantôt, les actionnaires veulent que leurs actions rapportent chaque année 15%. On le dénonce. Mais le dénoncer, je l'ai lu souvent, ça peut. Les partis de gauche, les syndicats dénoncent ça. Mais depuis le temps qu'on dénonce, il n'y a pas grand chose qui se fait. Ou très peu aussi. On veut taxer un peu plus les dividendes, mais c'est très léger. On limite certains y a un embryon de réponse à cette question-là dans certaines réflexions qui reviennent à la loi de compétitivité de 1996, où on explique qu'elle elle prévoyait de limiter les salaires, donc faire en sorte que les salaires n'explosent pas pour que la compétitivité soit toujours là. Mais elle envisageait qu'on puisse limiter tous les types de bénéfices, donc à la fois les salaires, mais aussi le bénéfice sur les actions. C'était prévu, et on m'a expliqué que c'est comme ça que ça avait été vendu aux organisations syndicales en interne. On a dit que ça permettra aussi de limiter le bénéfice des actionnaires. Ça a été le cas ? Jusque maintenant, non. Jusque maintenant, non. Mais la loi de 1926 sur la compétitivité ouvre cette possibilité-là. Ça a pu comporter des frais d'index et tout ça ? Je pense que c'est en global. C'est cette loi qui a amené tous les frais d'index, etc. Je voulais reprendre la notion de. On n'a jamais produit autant, on n'a jamais fait autant de bénéfices, etc. C'est grâce à la productivité. Mais la productivité, elle s'obtient comment ? Mais la notion d'emploi, elle a complètement explosé. Un emploi normal du temps du pacte social, c'était 38 heures par semaine. Un emploi normal maintenant, qui fait 38 heures par semaine ? Dans certains secteurs, ils le font quand même. Hein. Sur 4,5 millions de travailleurs, je suis curieux de savoir combien travaillent 38 heures strictement chaque semaine. De la construction, c'est plutôt 45. Tout le monde est bien au-delà, et c'est ce qui assure la production. Mais en noir, les heures sup. Tout le monde officiellement fait 38 heures par semaine, mais en réalité, en fait 60. Le travailleur belge est extrêmement productif. Et au niveau du salaire, c'est le but. Dénormaliser les choses. Un salaire normal, c'est dans le pacte social. Un salaire dans lequel il y a du poche, il y a de la cotisation sociale. Ben non, quand on supprime les cotisations sociales, qu'elles soient patronales ou travailleurs, ben on casse le salaire et ce n'est plus un salaire normal auquel on a droit. C'est un truc qui est réduit de moitié. Oui, dans les explications du rapport de force qui n'est pas en notre faveur, il y a aussi que. Si d'une part il y a la faiblesse syndicale, il y a aussi la force patronale, et notamment des lobbying au niveau européen qui sont extrêmement puissants. Et je dis ça, je saute sur l'occasion pour vous dire que le collectif du 33 dont vous avez sans doute entendu parler, qui a fait l'action de dénonciation des mouvements d'impôts pour les multinationales, organise début septembre, je n'ai plus la date exacte en tête, je crois que c'est le 6, mais je peux vous envoyer l'info, une visite guidée à Bruxelles des lobbying. Une explication de tous les ce à quoi ils essayent d'aspirer, c'est complètement affolant. Ces gens sont vraiment des néo-libéraux. Ils veulent la suppression de tout ce qui va à l'encontre de la l'augmentation des bénéfices des entreprises. Comme c'est vraiment fou, ils veulent supprimer toutes les lois, la sécurité sociale, le passé explicite. Ben voilà, je peux envoyer, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde, à ceux qui postent, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui arrivent. Je peux l'envoyer à ceux que ça intéresse, si vous avez envie de faire cette visite. C'est avec un expert qui connaît bien le bazar et qui expliquera. Pas bien. Pour compléter ce que dit Thierry, non seulement il y a un lobby écrasant au Parlement européen à Bruxelles, où ils ont, les représentants de ces lobbies entrent tout le temps dans les lois du Parlement, tandis que le citoyen ne peut pas les fouiller à l'entrée. Il lui est donc très difficile de passer, tandis que les représentants de l'autre. C'est un désaligné incessant, et Dieu, ce sont eux qui crient les lois des députés européens. Ils sont payés par les citoyens pour édicter des lois, mais ces lois ne sont pas eux qui les édictent parce qu'ils vont jusqu'à dire qu'ils ne sont pas formés pour faire ces lois. Et c'est en raison de ne faites pas. Chaque eurodéputé a un ou deux attachés parlementaires. Oui. Mais en fait, dans la réalité, ce sont ces lobbies qui les créent pour eux. Ils nous sont payés deux fois, ils sont payés à la fois par le citoyen et ils sont payés par le lobby. Bon, ils répondent à ça qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour pas faire ces lois. Donc Fabien, il suffit de créer un lobby. Si on faisait un lobby. Un syndicat. Dit, c'est quoi les logiques d'action après tout ça? Allez, moi je propose. Je propose qu'on arrête. Oui, c'était pas défendu. On vous invite le 22 septembre, donc ça se fera ici aussi. Et on abordera, à mon avis, ce dont Thierry parlait par rapport à toute l'attaque contre la sécurité sociale. C'est un truc qui est planifié par le MEDEF en France et un gars comme Denis Kessler, qui est un ami de, qui est un collègue du ministre social, s'attaquer à tous les acquis autour des années 45-50, les dénoncer comme étant des privilèges et les attaquer comme des droits. Ça, c'est la suite du travail qu'on envisage de faire donc le 22 septembre. Comment est-ce que le pacte social a trouvé une expression et puis un détricotage dans les quelques dizaines d'années qui ont suivi? Ouais. Enfin, je crois que comme conclusion, maintenant tout le monde a bien compris pourquoi il faut défendre le salaire social et que vous pouvez tous argumenter le jeudi 13 à 10h30 à l'Olympe de Liège. Et alors, il y a encore des t-shirts à vendre. Voilà. Et alors, la prochaine réunion de formation sera le 22 septembre. 22 septembre. Ici. À 3h. Et on va ranger la salle à 6h.